Vous êtes bien sur la boîte vocale des cinéphiles en confinement. Nous sommes actuellement en train de regarder un film. Alors n'hésitez pas à nous laisser un message pour nous conseiller le suivant. Allô, oui, c'est Barbara. J'espère que vous allez bien, Fan et Clément. Alors moi, je suis en Italie, donc ici, il n'y a pas de confinement. Il y a un couvre-feu à partir de 22h et les cinémas sont fermés, donc ça revient un peu en même qu'en France pour beaucoup de choses. Je regarde en effet beaucoup de films pendant ce confinement parce que bah, j'ai du temps et j'ai pas grand-chose d'autre à faire et puis ça fait vraiment du bien pour penser à autre chose et il faut juste s'occuper. Je regarde des films sous à peu près toutes les formes, sur les plateformes en ligne, sur Netflix, sur Mubi, des films que j'ai sur mon disque dur, des films que les amis m'envoient ou que je télécharge aussi sur La Loupe, le groupe Facebook de cinéphiles un peu fous qui s'échangent des films rares. C'est vrai que j'ai pas mal de temps pour ça. Et je regarde des films assez différemment de d'habitude parce que d'habitude je préfère quand même beaucoup aller au cinéma pour voir des films récents ou pour voir des anciens films qui repassent. Et donc là c'est plus possible, donc je regarde beaucoup de films bah, chez moi, sur des petits écrans, soit avec mes colocs qui ont des ordis assez grands, soit sur mon petit ordi le plus souvent dans ma chambre toute seule avec mon casque pour pas déranger mes colocs. Donc ça me change quand même beaucoup. J'ai pas trop l'habitude de voir des films toute seule, ça m'arrive mais quand même assez rarement d'habitude et là c'est la manière principale par laquelle je regarde des films. Du coup, c'est un peu différent. J'ai plus de mal à me concentrer sur les films qui sont longs. Je vais avoir plus envie de faire autre chose, de me laisser plus facilement déconcentrer. Mais après, j'ai quand même été très marquée, touchée par des films que j'ai vus. Finalement, quand le film est bien, que ce soit sur un petit écran ou au cinéma, c'est vrai que ça fonctionne quand même. Il y a un peu de frustration quand je vois des films qui ont des très belles images, qui sont assez spectaculaires, parce que je me dis que au cinéma, ce serait beaucoup mieux. Mais bon, ça a un petit côté aussi agréable d'être dans son lit et d'être un peu dans son cocon comme ça, dans sa chambre, pour voir des films. Surtout pour voir des films refuges. Par exemple, récemment, j'ai vu un film de Jacques Rosier qui s'appelle Du côté d'Orwett, que je ne connaissais pas. Et c'était un très bon film à regarder en ce moment parce que ça se passe pendant les vacances, à la plage, des amis qui partent ensemble. Et du coup, ça montre très très bien ce sentiment de partir en vacances entre amis, de rigoler tout le temps et d'aller manger sur le port, d'aller à la plage, à la mer. C'est très très agréable, donc je conseille vraiment ce film à voir en ce moment. Sinon, j'aime beaucoup beaucoup les comédies musicales globalement, et j'ai pu voir, grâce à La Loupe, grâce à ces cinéphiles qui se passent des films un peu étranges et un peu inconnus, j'ai pu voir Rock'n'Roll High School de Alan Arkush et de Joe Dante. Et ça, c'était très très drôle, c'était une comédie musicale avec les Ramones, et en même temps un teen movie, donc deux genres absolument refuges, et très très agréable à voir. Et c'est une histoire d'un lycée où une élève un peu rebelle est très très fan des Ramones et va foutre le bordel alors que la nouvelle principale du lycée essaye de remettre de l'ordre dans tout ça. Elle va inviter absolument tous les élèves du lycée à un concert des Ramones complètement fou. Et c'est juste incroyable, c'est les années 80, ils ont des tenues d'aérobic fluo, il y a de la musique tout le temps, les gens qui courent pas, qui sautent partout, et c'était très très chouette. J'ai beaucoup aimé l'amitié entre le personnage principal, cette rebelle, et une autre fille qui est un peu plus coincée, un peu plus timide, parce que c'est une amitié très saine, très chouette, de deux filles comme ça, il n'y a pas de problème de garçon entre elles, elles se disputent pas au cours du film pour finalement redevenir amies, elles sont juste très amies, très différentes l'une de l'autre, mais sans essayer de se changer ou quoi, et sans se juger. Donc j'ai trouvé ça très chouette à regarder. Dans mes films refuges, il y a toujours Les Demoiselles de Rochefort. Je l'ai pas vu pendant ce confinement, mais j'ai quand même une carte dans ma chambre, donc je pense quand même toujours beaucoup à ce film. Et j'ai aussi vu pendant ce confinement Lola de Jacques Demy, que j'avais pas vu avant, et j'ai adoré parce que aussi ça m'a beaucoup fait penser aux Demoiselles de Rochefort. Il y avait tout cette ambiance un peu similaire, des gens qui se croisent, qui se retrouvent, des amours perdus, des amours retrouvés, etc. Trop bien. Et ce film, du coup, Les Demoiselles de Rochefort, c'est un des premiers films dont j'ai des souvenirs. J'ai commencé à le regarder quand j'avais 4 ans, avec mes parents, ma tante, mes grands-parents, donc c'était vraiment un truc de famille qu'on regardait à Noël. Je pense que c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. J'ai dû le voir une quinzaine de fois, au moins. Je l'ai vu au moins une fois par an depuis que j'ai 4 ans, donc beaucoup plus qu'une quinzaine de fois en fait, et des fois plusieurs fois dans la même année. Et je m'en lasse vraiment jamais, c'est-à-dire que c'est une espèce de magie où je peux voir ce film et le revoir, et je le connais par cœur. Je connais par cœur les chansons bien sûr, mais même les dialogues, et alors là, mais c'est pas du tout un problème, je m'en lasse jamais, je le regarde et je détourne pas une minute les yeux, je suis complètement absorbé dedans. Je sais pas, il y a une sorte d'ambiance mais magique, légère et en même temps très sérieuse, qui dit des choses très profondes sur les relations, sur la vie, sur les espoirs, les amours, tout ça. Il y a tellement de choses et à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de découvrir des nouvelles choses. Donc c'est extrêmement agréable, c'est à la fois revenir dans mon enfance et en même temps toujours découvrir des nouvelles choses sur les relations amoureuses, sur les regrets, sur les rêves, etc. Ça me plaît vraiment beaucoup. Sur cet aspect-là, un peu à la fois très léger, très coloré et en même temps très profond, ça me fait un peu penser à Wes Anderson, que j'adore aussi. Et par exemple, La famille Tenenbaum, qui est un des films préférés de ce réalisateur, qui je pense est aussi un film refuge pour moi. Je l'ai vu quelques fois et à chaque fois, j'adore et j'adore écouter la musique aussi. Et il y a cet aspect, donc les plans très travaillés, les lumières, les couleurs très très belles. Et la musique aussi, qui est quand même assez légère, c'est des chansons comme ça qu'on peut écouter pour se faire plaisir. Et en même temps, c'est tellement intense sur les relations amoureuses, les relations familiales surtout, que je trouve ce film très très puissant et très très beau. Et je trouve qu'il y a beaucoup de films de Wes Anderson qui sont comme ça, où il y a une espèce de profondeur pas forcément accessible au premier regard, ou en tout cas qui se cache un peu sous une épaisseur d'esthétisme et de contrôle absolu de l'image, mais qui est vraiment là et qui pour moi est très très puissante. Bon, dans mes films refuge, donc comme je disais, les comédies musicales ont une place très importante, et avec Les Demoiselles de Rochefort, on a aussi les films Bollywood, que ça je ne m'en lasse pas non plus. Ça me renvoie aussi à l'enfance parce que je les regardais quand j'étais petite avec ma mère. J'ai un peu du mal à voir les Bollywood toute seule, ça m'arrive, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime voir avec d'autres gens. C'est vraiment une expérience sociale en même temps, un moment de sociabilité en même temps que d'être juste le visionnage d'un film. Donc j'aime moins regarder des Bollywood toute seule parce que, je sais pas, j'aime bien rire avec des gens parce que c'est quand même souvent complètement déjanté. Alors soit c'est fait exprès pour être vraiment une comédie et du coup c'est juste très très drôle, soit des fois c'est juste très kitsch et du coup c'est aussi très drôle. Je pourrais citer des titres, mais après il y en a tellement que j'adore. Mais Dilwale Dulhania Le Jayenge, c'est mon préféré. Et avec le Shah Rukh Khan, le King of Bollywood, acteur incroyable bien sûr. Mais oui, c'est une comédie romantique celui-là, sur deux jeunes gens qui se rencontrent pendant un interrail à travers l'Europe parce qu'ils habitent à Londres et qui tombent amoureux. D'abord, ils ne s'aiment pas, une petite rivalité, puis finalement, ils tombent amoureux. Elle doit partir en Inde pour être mariée. Lui, il va aller en Inde pour la retrouver, essayer de charmer sa famille pour qu'ils puissent se marier en ayant l'accord du père, etc. Donc, c'est le grand classique, hein, sur le mariage arrangé, les relations amoureuses contrariées, mais finalement, haha, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Donc c'est beau, les chansons sont incroyables, les costumes, tout, c'est over the top du début à la fin, c'est génial. C'est complètement loufoque et en même temps très triste par moments et très dramatique. C'est fantastique. C'est du pur cinéma. Les quelques fois où j'ai pu voir des films Bollywood en salle, c'était vraiment fantastique. J'ai pu voir La famille indienne, j'ai pu voir Faire Zara, tous les deux avec Shah Rukh Khan en salle, et c'était toujours des grands moments parce que c'est vraiment des films faits pour la salle, c'est vraiment hyper spectaculaire, donc ouais, ça vaut le coup. Si je pouvais voir Devdas en salle un jour, là je serais très très heureuse. Je regarde aussi beaucoup de séries quand même, surtout des séries que j'ai déjà vues parce que c'est toujours très agréable de se replonger dedans. Je regarde beaucoup Parks and Recreation, qui est un peu moins connu en France que des séries assez similaires comme The Office. Ou par exemple The Good Place, qui ont été créés par le même réalisateur. Mais c'est une série extrêmement drôle et vraiment géniale. Bon, ceux qui la connaissent seront sûrement d'accord avec moi. Et dans lequel je suis toujours très contente de me replonger, d'où j'adore tous les personnages. Et ça, c'est vraiment une des séries que je peux regarder à l'infini en étant toujours très heureuse et où ça me fait toujours beaucoup rire et ça me change vraiment les idées. Donc voilà, c'est ce genre de film que je regarde en ce moment. Mais après, je regarde aussi des choses plus dures. Parce que je pense que c'est quand même important de pas toujours chercher à se divertir complètement et à complètement oublier la réalité des choses. Puisqu'en ce moment, on parle beaucoup évidemment des violences policières et des images de ce qu'on peut montrer des violences policières, du système judiciaire quelque peu injuste finalement. Et après, à ce propos, j'ai regardé Dans leur regard de Ava DuVernay, qui est une mini-série sur Netflix qui dure à peu près 5 heures et que j'ai regardé en une après-midi. Ça, c'est un peu les choses du confinement aussi, c'est on a plus de temps pour regarder ce genre de choses. Et c'est très très dur à regarder, mais je pense que c'est assez nécessaire et surtout en ce moment. Et ça se passe dans les années 80, mais c'est d'après une histoire vraie, sur 5 jeunes garçons, 4 noirs et un hispanique, qui ont été arrêtés et suspectés et accusée du viol et du passage à tabac d'une jeune femme blanche, alors qu'il était totalement innocent. Et donc cinq jeunes garçons adolescents de 14 à 16 ans. Et donc je ne raconte pas ce qui se passe ensuite. Enfin après c'est une histoire, ouais, donc on peut juste chercher sur la page Wikipédia. Mais c'est très très dur à regarder et très intéressant sur le système judiciaire américain, mais on peut aussi transposer ça en France. Le racisme de la police, le racisme du système finalement. Donc voilà, ça c'était le moment, pas du tout refuge, mais en même temps c'est important aussi. Je trouve que c'est assez agréable aussi dans cette période de chercher des sentiments très variés, d'aller dans des choses très dures, très tristes, et après des choses très légères. Je trouve que le problème aussi avec le confinement, le couvre-feu, etc., c'est la monotonie. C'est que chaque jour a tendance à se ressembler parce qu'on reste chez nous, on a beaucoup moins d'activités comme aller au cinéma, aller au musée, faire des sorties. Donc c'est aussi très agréable, je trouve, d'avoir ces différents moments, ces variations dans les expériences. Et ça nous est permis parce qu'on a accès maintenant à tellement de choses très différentes sur toutes les plateformes, sur la manière de pouvoir s'envoyer des films, etc. Donc ça nous permet de vivre des expériences très, très variées. C'est vrai que je regarde aussi beaucoup de vidéos sur YouTube. Comme je disais, un peu plus dur de se concentrer sur des choses longues. Donc quand je regarde pas des mini-séries de 5 heures, je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube. Là, ça sera carrément sur mon portable, donc c'est encore pire que mon petit écran d'ordinateur. Et j'ai une YouTubeuse que j'adore, qui m'émerveille, qui s'appelle Mikara Tubers, qui est une américaine, qui fait des tutos couture, slash vlog, slash sketch. C'est une espèce d'ovni. C'est très bizarre. En gros, elle part d'un projet de couture, où on recrée une robe d'un gala, ou recréer la robe d'une princesse Disney. Et elle fait son tuto tout en racontant sa vie et en montrant des choses de sa vie. Par exemple, elle qui va s'acheter un oiseau, ou elle qui va nourrir ses poules parce qu'elle a plein d'animaux. Complètement absurde, elle a un rat de compagnie aussi. Et elle est juste très très drôle et très étrange. Et elle me plaît beaucoup, et donc moi je peux regarder ses vidéos tout le temps, et ça pour le coup, c'est très très divertissant. Et c'est un peu comme Parks and Recreation, où c'est une espèce de monde à part, où tout est beau, elle est très gentille et très wholesome, comme on utilise dans la sphère internet, et du coup ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, c'était, je pense que c'était un peu le tour de ce que je voulais vous dire dans ce petit message. Fanny et Clément, j'espère toujours que vous allez bien et que votre confinement se passe pour le mieux, que vous pouvez voir plein de beaux films, de belles séries, de beaux moments, et voilà, que finalement, avec tout ça, on s'en sort quand même. Bisous! Vous venez d'écouter Barbara Gobelot, étudiante en histoire de l'art et du cinéma, expatriée à Bologne et subissant comme beaucoup dans le monde le couvre-feu et la fermeture des salles de cinéma. Nous la remercions. On remercie comme toujours Gabriel Régnier et Anna Mandico pour la musique et les illustrations créées pour nos émissions. N'hésitez pas à partager cette petite pastille si elle vous a fait du bien, si elle vous a intéressé, ou tout simplement si elle vous a fait découvrir de nouveaux films. À la prochaine !